Chapitre 7e. Je passais à vitesse lente devant la rue du bus, au début du boulevard de la République, devant le Cambrilus. Brigitte était là, comme prévu, avec ses petits souliers talons plats un peu avachis, ses cheveux blonds vaguement ondulés, sa petite jupe droite et sa chemisette flottant par-dessus la jupe. Son sac en simili sous le bras, comme une mamie, elle passait tellement inaperçue qu'elle en était transparente, d'une transparence blanchâtre et diaphane. Mais l'œil du chasseur l'avait remarqué. Sous les vêtements, j'avais deviné les formes. Sur le visage inexpressif, j'avais imaginé le sourire enjôleur. Sur les lèvres, la fameuse moue de Brigitte Bardot qui tournait toutes les têtes. Oui, cette fille était jolie, mais elle ne le savait pas. Les autres non plus, qui ne prenaient pas la peine et le temps de la regarder. Pour les garçons de l'époque, les filles se divisent en plusieurs catégories. Les unes, qui ressemblent à France Gall, les autres, à Shella ou à France Hardy, peu d'élus, parce que nécessairement grandes, celles qui ont le genre de Stone avec une coupe au carré platinée parfaite ou celles qui osent le look Sophia Loren avec une masse de cheveux brillants. Qu'importe si de près, elles ne sont pas si jolies que ça. Ce qui compte, c'est la carrosserie et non le moteur. Combien de gars se font avoir en s'apercevant au sortir du brouillard de la boîte qu'ils tiennent la main d'un boudin et de plus puant le tabac. L'inverse est aussi vrai, car nombre de filles finissent par se laisser embrasser, histoire de montrer qu'elles ne sortent pas produits, pour réaliser plus tard que le gars n'est qu'un rustre et un pou dont il faut se débarrasser au plus tôt. À côté de cette faune normée, vivent des filles et des garçons que seul un œil curieux et amateur comme le mien peut remarquer. Cela fait une dizaine de jours que j'ai repéré Brigitte, qui est vendeuse aux prix uniques, rebaptisée depuis peu Monoprix, sur le cours. Elle tient le rayon de mercerie à droite de l'entrée. Vêtue de sa blouse rose, elle m'a tapé dans l'œil et dans l'oreille lorsqu'elle a ouvert la bouche pour me vendre du fil de nylon. Là, je l'ai vue de près et Josie, c'était écrit sur sa gourmette, de sa petite voix fluette, m'a montré beaucoup de politesse et de disponibilité. « Dites, lui ai-je dit, ce n'est pas pénible, ce que vous faites. Il faut de la patience. »« Oh, a-t-elle répondu, les clients ne sont pas si casse-pieds que ça. » C'est pour celles qui sont aux essayages que c'est le plus dur. Écoutez les jérémias des clientes et après, tout remettre en place sur les cintres. De fil en aiguille, rayon oblige, j'ai appris que Josie prenait le car chaque soir pour entrer chez sa tante qui habite route du Seuil. C'est parfait. Le diable aussi fait bien les choses, parfois. La conversation avait duré un moment. Suffisamment longtemps pour que Josie pût reconnaître, dans n'importe quelle circonstance, la personne qui s'était intéressée à elle. Jusqu'à ce que la surveillante passât derrière le rayon en se raclant la gorge en signe d'avertissement. En cachette, j'ai attendu Josie à la sortie des employés, rue Courtaisade, pour vérifier si elle prenait bien le car et à quel arrêt. Le lendemain, repassant non loin du rayon de Josie, je lui ai fait un petit signe amical de la main, auquel la fille a répondu par un sourire. C'était suffisant, le poisson était ferré. J'ai consulté ma montre. Je disposais d'une dizaine de minutes pour faire le tour par la rue Celloni, le cours Sextius et repasser devant l'arrêt avant l'arrivée du car. Mes hypothèses étaient bonnes. Il m'a suffi d'ouvrir la portière et de me baisser côté passager pour que Josie me reconnaisse immédiatement. 30 secondes plus tard, elle était assise à mes côtés, confiante, son sac en simili sur les genoux, regardant la route avec contentement, comme si elle partait pour un grand voyage. Ce voyage, en effet, allait être long mais peu fatigant. Un détour de la route, j'ai attiré l'attention de Josie. Regardez à droite, là-bas, c'est pas un incendie. La piqûre dans son épaule droite l'a surprise un peu, mais après tout est redevenu calme, très calme. C'était parfait. Jusque-là, pas d'embrouille. Brigitte allait bientôt se révéler sous les traits de Josie. En ce beau dimanche de début d'été, Volpi descendit la rue principale de Carreau dans sa magnifique chambord, rutilante de tous ses chromes. Il repéra le café et alla se garer beaucoup plus loin du côté de la capitainerie. Puis, un petit paquet à la main, il revint à pied et passa devant le bar sous le trottoir d'en face. Derrière le comptoir, il crut apercevoir une masse de cheveux noirs et son cœur s'accéléra. Il fit une courte pause pour préciser sa vision. À n'en pas douter, c'était une femme penchée en avant les bras sous le comptoir, probablement en train de laver des verres. Il reprit sa marche pour réfléchir à une entrée en matière. « Faisons simple, se dit-il. Je viens apporter un petit quelque chose pour fêter l'inauguration du bar auquel je n'ai pu assister. L'adresse ? Comment je l'ai obtenu ? Il n'y a rien de secret pour la police, tout le monde le sait, alors comme je passais par là. » Sa déception fut grande lorsqu'il pénétra dans le café, car derrière le comptoir, à la place d'une belle brune, se trouvait un homme bedonnant aux cheveux grisonnants en tricot de peau. « Salut, » fit l'homme jovial, « qu'est-ce que je vous sers ?» Volpi restait planté là, sans oser demander quoi que ce fût. « Vous êtes le patron ? » finit-il par dire. « Ah non, ici c'est une patronne. Et puis pas n'importe laquelle. Et elle est montée se changer. Si vous voulez la voir, elle va redescendre dans une minute. Et vous, vous êtes Marcel, retraité de la marine, pour vous servir. Ici à Carreau, je m'emmerde comme un rat mort, alors j'ai décidé de donner un coup de main à Gilda. Elle, ça lui rend service, et moi, ça m'occupe. Vous la connaissez, si je comprends bien ? Oui, oui, affirma Volpi. C'était certes vrai. Mais dans les relations avec les gens, il y a des degrés que ne voulait pas préciser Volpi. Tenez, donnez-moi une demi-pression, sans mousse, commanda-t-il pour se donner contenance et patienter. Lorsque Gilda apparut enfin en t-shirt moulant et jean serré, elle marqua un léger temps d'arrêt en apercevant Volpi. « Tiens, décidément, je suis à peine installé qu'il faut que tu me tombes sur le poil. Tu ne manques pas d'air, toi, au moins. » Volpi nota que la physionomie de Marcel s'assombrissait quelque peu. S'en apercevant également, Gilda lui proposa d'aller s'installer en terrasse. « Alors, qu'est-ce que tu veux, cette fois ?»« Mais rien. Je voulais simplement te voir. » Je passais dans le coin, je voulais te faire un coucou, histoire de voir comment tu étais installé. Oui, bon. Eh ben, t'as vu. Et après ? Putain, se dit Volpi, ça s'annonce mal. Tiens, dit-il en poussant le paquet devant Gilda, c'est un petit cadeau pour fêter ton installation. Trois fois rien. Gilda regarda le paquet cadeau sans le toucher. Eh ben, ouvre-le au moins, la pria-t-il avec un sourire. Mouais, maugréa-t-elle en défaisant le paquet. Lorsqu'elle ouvrit l'écran, Volpi perçut distinctement un éclat fugitif dans les yeux de Gilda. Il le savait, le bijou lui plaisait. Devant son mutisme, Volpi crut bon d'ajouter « Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça mignon et j'ai pensé que ça te plairait. » Il sortit le pectoral de sa boîte et le lui présenta. « Regarde, c'est chouette, non ? Passe-le pour voir. »« Non, plus tard. » »« C'est vrai qu'il est joli. » Gilda posa ses deux mains bien à plat sur la table, puis regarda Volpi droit dans les yeux. « Bon, mais maintenant tu vas arrêter tes salades et me dire exactement pourquoi tu es venu. Qu'est-ce que tu mijotes encore ?»« Mais rien, bon Dieu, tu le fais exprès ou quoi ?»« Je suis venu pour te voir parce que ça me fait plaisir, parce que tu me plais, parce que tu veux que je te fasse un dessin aussi. Merde, quand on a un certain âge, on comprend ces choses-là, non ?»« Ne sois pas grossier, je n'aime pas. » Gilda. » dit-il gentiment en essayant de lui prendre la main. Elle retire la sienne promptement. « Oh là, camarade, calme-toi. Vous, les flics, vous vous croyez tout permis. Vous êtes encore plus mufle que les autres hommes parce que vous avez du pouvoir. Mais moi, je m'en fous de ton pouvoir. Je ferai toujours ce que je veux. Je fréquenterai qui je veux et je recevrai qui je veux dans mon bar. C'est clair, ça ?»« Tu n'as pas à me traiter de mufle. Je ne t'ai jamais manqué de respect. »« Ouais. » Et les heures passées au commissariat pour me faire avouer. Je ne sais toujours pas quoi, pendant que tes potes me reluquaient comme des malades. Tu l'as oublié, ça ? Eh ben, moi, pas. Mais personne ne t'a brusqué, reconnais-le. Vous m'avez traité comme une criminelle, une fille de rien, et ça, je ne l'oublierai pas. Volpi baissa les yeux. Il était mal barré, et savait pourquoi. Gilda avait un ego un peu susceptible, mais tout bien considéré, il se dit qu'il aurait réagi comme elle. Aussi décida-t-il de prendre le chemin de Canossa. Écoute. « Je te fais mes plus plates excuses. À cette époque-là, je ne savais pas à qui j'avais affaire et... »« Ben justement, quand on ne sait pas à qui on a affaire, on prend des gants, si tu vois ce que je veux dire. »« Je regrette, voilà. Maintenant, je sais que tu es une fille formidable, courageuse et d'une moralité au-dessus de tout soupçon. »« Je suis prêt à changer de métier, à tout envoyer bouler, si tu veux. Je prendrai la place de Marcel. »« Et qu'est-ce que ça va changer ? Mais qu'est-ce que tu peux être ?»« Con, oui, je sais. Mais non !» Ne te conduis pas comme un minot. Écoute, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. J'ai la grosse colère, il faut attendre que ça redescende. Voilà, c'est tout. Volpi tripota son verre dont il n'avait pas bu une gorgée. Pendant une longue minute, et chacun regarda au loin de son côté. Puis Volpi se racla la gorge. Écoute, Gilda, ma visite a au moins le mérite de nous avoir permis de nous expliquer. Je ne te casserai pas les pieds, je veux juste garder le contact avec toi. « J'attendrai le temps qu'il faudra. »« D'accord, Gino. Espère, comme on dit ici. » Le lundi matin, au commissariat, l'humeur ne fut pas aussi belle que le temps. « Alors, c'est beau, Caro, tu as trouvé ce que tu cherchais ?»« Mouais. » Dans la catégorie beau dimanche, j'en ai vécu un qu'on pourrait qualifier d'exécrable, beau dimanche. Aïe. Alors dans la catégorie lundi pourri? Prépare-toi à vivre un beau lundi pourri. Oh pauvre, qu'est-ce que c'est encore? Souffla Volpi en se laissant tomber dans son fauteuil. T'as bien fait de t'asseoir, Gino. Un brigadier fit irruption dans le bureau pour mettre un papier et les deux amis reprirent spontanément le vouvoiement. Deux nouvelles, commissaire, dit Michaud. D'abord, une dame Mazelle, domiciliaire route du Seuil, appuyée Ricard, a signalé la disparition de sa nièce depuis samedi vers 19h. Ensuite, on ne sait plus où est passé Victor Ginou. Son frère Tona ne l'a plus vu depuis samedi soir. Ils l'ont cherché partout sans résultat. Vous n'avez rien d'autre comme renseignement, inspecteur? Ben non. J'ai envoyé deux gars pour récupérer une photo et l'identité exacte de la disparue, si tant est qu'elle est vraiment disparue. Une équipe à la campagne aux alentours de la maison de la tante. J'ai pensé qu'il était inutile de déployer les grands moyens s'il s'agit d'une fugue. Quel âge a la fille? 22 ans. Elle est majeure. Quant au Ginou, je crois qu'il serait préférable que nous y allions tous les deux. Qu'en pensez-vous, patron? Le brigadier disparut et ferma la porte. Serge, tu ne vois pas que le vieux Ginou se soit barré avec la gamine? Alors pour le coup, ça va faire du barouf dans les chaumières. Blague à part, Ginou, ce n'est pas une hypothèse si farfelue après tout. Non, je n'y crois pas. Je disais ça comme ça. Il est bien trop rapia pour laisser son affaire maintenant qu'elle va commencer à lui rapporter du pèse. Et pour la gamine, je prie le bon Dieu que ce soit bien une fugue. Si jamais on la retrouve, comme la petite Marie, je crois que je pourrais pour de bon aller servir des pastis à Caro. Tu prendras ma place, si tu réussis le concours de commissaire. Bon, arrête tes salades. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as raison. On va aller chez les Ginoux, et après on passera chez Madame Mazelle. À première vue, c'est à côté. Je remarque que les affaires qui nous tombent sur la tronche sont toutes circonscrites dans un périmètre assez court. Tu penses qu'elles sont liées toutes les trois? Enfin, toutes les quatre, maintenant? Quilo, ça, bello. Allez, arrive.